Eba, voilà. Oh, petit Vidara, le semen de la batterie. Yoka, regret, éternel, maman. Ah, de la la tombe, tu m'as pas mal, yo. Boutou et moi, tu l'as ta canne, tu m'as pas. Mais quand si tu m'as pas mal, tu m'as pas mal, tu m'as pas mal, tu m'as pas mal, tu m'as pas mal. Soit qui tous à la camantane ici mon corps, ou l'india qui au kende de oti kamaya. Ote a me crédit maïna, l'ota qui est pesa qui n'a pas si n'a kobama. Si tu permanes, l'ota qui au pembenya et balé, yo pesi maman comme moi pose à la qui volé là. Wanzoke zala kindoto ya mukuya, wangaina kintele na koyebaria. Wanzoka germano tiki makala papa, wosa fe dezer ngai kitiba kulo. Amina ngai ya motema, to zala kakola tandoto moko putu moko. Rishongamba. Woke namna mama ye, emiliana ina papa ye. Sambo ba mona kio na kati ya profesi. Mama lobo zali on cher gardien ensemble. Oyaka kimo kili kome sobe na ma. Ose vrede le sose moto esu kakali. Yangana yote mwana nwe koka kite. Otonde si fale ope sanga tan deception. Vraiment yo kano poni na maseni wa. Rande rambo eh. Eleli Pirance German, Eleli Mansama, Ivan Mansama. Mokola ya mona tika la kibwana mawagala. Basina na ngwe mona na kina ndate na lotakie. Lotapen. Nika mansali darman ya tika liyele mona botemaga. Nika mokaga ya yato kale. Voyage moni nende okosima. Ona kena kintelege. Na leli reno makoena ma, wakelmane baninga neva kende kina lusambo, bamona kio na kati ya profesi. Joni malade, wakelmane onze gaje nzambe, weyaka kimo kini kwa mesobe na ma. Wasebeke nesose moto yesu kakaliwa, ya mana yote mwanda nwefo kakiteo. Miskani kano. Ta déception, vraiment yo, oui, pour personne. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Mbemboyaliwa ama na kulela mawa. bongo mosusu wa ezalaka na bo deliverance. Merci Nzambe, okomina pe kotikali na mokili. Mais la défaite est une autre façon de réussir dans la vie. Mbuta machatado, vestiu, okemba. Bete outra.